Chapitre 21. Une préparation tranquille, ou pas. Le public a décidé de donner son 11 de départ avec pas mal de postes différents que le système adopté lors de la rencontre face à la Russie. Est-ce la bonne solution? Seul l'avenir nous le dira, mais côté Qatari, la composition reste inchangée. Les automatismes seront plutôt bordeaux, alors que côté bleu, la couronne d'épines est que les choix de composition sont bizarres. C'est justement ceci qui a poussé les dirigeants de la FFF à demander à la eSports Fédération d'enquêter sur les résultats. Les réserves sont devenues, en 2050, des requêtes express. Un responsable d'enquête est nommé dans le quart d'heure et un résultat doit être fait dans les 2 heures. Un délai trop rapide? Avec tous les moyens mis en place pour pouvoir enquêter, trouver un coupable ou une faille est devenu un jeu d'enfant. Tout est répertorié sur Internet et, pour cette enquête, la liste des noms de tous les votes est tirée via un fichier Excel Ophils MML et un tableau croisé dynamique. Les spécialistes bureautiques sont sur le pont et l'épluchage est lancé. La composition d'équipe des Bleus va-t-elle changer? Le 11 a-t-il été saboté? C'est ce que la FFF suspecte. Après une seule heure d'enquête, le verdict est déjà connu. Les résultats furent erronés. Des votes venant de Russie ont été greffés aux Français afin d'élire un 11 bizarre. L'objectif était de ridiculiser la France pour que les Russes ne terminent pas dernier de leur poule. C'est un véritable scandale qui fait trembler le monde du ballon rond. Certes, ce genre de tromperie a déjà existé dans ce même sport, mais jamais lors d'un mondial. Aucun cas n'avait été révélé, surtout à 24 heures d'un match aussi capital. C'est un énorme tsunami médiatique qui pourrait être crucial pour les principaux fautifs. De quoi déstabiliser les Français? C'est en tout cas ce qui est ressenti dans les vestiaires des Bleus. Le 11 a été connu, mais avec 3 heures de retard, l'entraînement n'a pu avoir lieu avec les vrais futurs titulaires. C'est dans ce climat que les Bleus vont devoir aller faire l'exploit face au Qatar. La composition sera la suivante. Wolf 75, Coca, Nabir 69, Dil 48, Pour gagner 02, Blanc Bag, Fightson, Le Chapeau, Riti 3402, Grid 71 et Eric BH. Chapitre 22. Impossible n'est pas français. 29 janvier 2050 à Doha. La France s'attend à un jour historique. Le Qatar s'attend à une promenade de santé, une victoire logique. Ce n'est pas du goût des Bleus qui pensent pouvoir faire l'exploit. Et quel exploit? Les Qataris n'ont pas perdu en match officiel depuis 4 ans. C'était en finale du Mondial 2046 face à la Chine. Tout leur a souri depuis. Jeux asiatiques des nations de 2047 et 2049, Mondial 2048, match de préparation, le Qatar est imbattable. La planète entière a essayé, en vain. Les Bleus peuvent-ils le faire? Ils ont cependant une botte secrète. Le petit nombre de supporters français présents à Doha y croit et essaye de se faire entendre. Les chants de supporters ne sont plus à la mode. L'ère des gradins d'observateurs et sympathisants est en cours. Les fanatiques, supporters, se font de plus en plus rares. Ce soir, à Doha, les représentants de l'Hexagone se font entendre, de quoi agacer le stade dérangé dans son calme. Le cri « France » résonne dans tout le stade. Ça fait plaisir. Surtout quand c'est l'heure des hymnes nationaux. L'hologramme d'un chanteur célèbre vient habituellement la chanter. Pour cette rencontre historique, les Qataris ont décidé d'inviter Édith Piaf, un grand moment d'émotion. Le début du match peut être sifflé par l'arbitre et les joueurs sont chauds. La France doit faire attention car leur entame de match face à la Russie avait été laborieuse, à l'image de leur première période. Cette même faute pourrait être fatale face au rouleau compresseur qatari. Les premiers assauts sont justement faits par l'équipe nationale du Qatar, qui montre sa supériorité. Le premier quart d'heure se fait dans la souffrance, mais le score reste nul et vierge. Coca, Nabir 69 et Dil 48, sont constamment interrogés par les followers français. Ils entendent également leurs encouragements, et ça les motive. La première mi-temps est archi-dominée par le Qatar, mais le reconverti gardien tricolore, Faitsen, est héroïque. Sans sa grosse performance, les 7 tirs cadrés qataris auraient mis fin aux espoirs français. Dans les autres rencontres, ça bouge un peu plus. Le Japon ne fait qu'une bouchée du Brésil, en menant 4-0 après 45 minutes. L'Inde mène 1-0 contre les États-Unis d'Amérique. Alors que le Qatar est tenu en échec par la France, un autre favori est inquiété, la Chine. Les champions du monde 2046 sont menés 1-0 par la Corée du Sud. Pour le moment, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en bonne posture pour aller en Australie jouer les demi-finales. Les yeux se tournent du côté de Pékin et de Doha, où les résultats semblent étonnants. Pour combien de temps ? Chapitre 23. Un ange gardien. On reprend donc la seconde période, avec l'espoir d'avoir un vainqueur sur le terrain et non au tir au but. La tactique française paraît plus offensive, mais à quel prix ? Le fait de partir vers l'avant va-t-il sacrifier la défense ? En tout cas, le Qatar voit cela d'un bon œil et part droit devant. Les Bleus comptent sur Faitsen, qui a été impérial en première mi-temps. La qualification en demi-finale est en jeu. La dernière fois que la France a atteint ce stade, c'était en 2006. Après avoir battu le Brésil en quart, les Bleus s'étaient imposés face au Portugal avec une réalisation de Zinedine Zidane. Les tricolores s'étaient alors inclinés en finale face à l'Italie. Nous n'en sommes pas encore là, surtout que footballistiquement, en 2050, le Portugal et l'Italie sont relégués au rang d'amateurs, un peu comme la France. Mais en voyant les deux équipes se comporter ce soir, on n'imagine pas un si grand écart entre le titan qatari et le minuscule français. Il n'y a aucun complexe à avoir, la France est ni plus ni moins en face du champion du monde en titre. Après avoir sorti le dernier finaliste, ils peuvent faire coup double en sortant le roi qatari. On n'en est toujours pas là. Les Français souffrent en seconde période. Le rouleau compresseur qatari s'est mis en mode « on ». La défense française est dépassée. Ce qui devait arriver arriva, puisqu'à la 78e minute, le qatari convertit sa domination en un sublime but en pleine lucarne. Faitsen s'incline pour la première fois après avoir effectué 14 arrêts. Mais la joie est de courte durée, puisque, lorsque le qatari a fait trembler les filets, tout est devenu rouge, ainsi qu'une partie de terrain. Pourquoi ? Le Mondial 2050 a décidé d'inaugurer une nouvelle technologie afin d'aider les arbitres. Lorsqu'un hors-jeu est à signaler, il n'y a plus les arbitres de touche, obligés à l'époque d'avoir le compas dans l'œil. La partie de terrain se sépare, le joueur hors-jeu au but devient rouge, ainsi que les filets, si ceux-ci sont touchés. L'erreur est impossible. Suite à cela, le but est donc invalidé, et les deux équipes se dirigent vers un nouveau match nul. Premier changement français. Blanc-Bag laisse sa place à Moon Forever. 92e minute, l'arbitre a le sifflet en bouche. Il est prêt à arrêter le match. Mais il laisse Wolf 75 finir son action. L'attaquant français bute sur le portier qatari, qui détourne le ballon en corner. C'est la dernière chance des Bleus de s'imposer dans cette rencontre, dans le jeu. Ce serait un exploit face aux champions du monde en titre, à l'extérieur, devant un public de 300 000 spectateurs qui se sont lâchés durant la rencontre. Ils chantent, tapent des mains. Les deux équipes leur ont offert un joli match. Riti 34-02 va tenter son corner. Le public se lève en voyant Faitsen, le héros de la rencontre, monter avec ses gants de gardien de but. C'est à double tranchant. Il a une chance sur 21 de toucher le ballon. Pire, un lob peut vite arriver dans l'autre sens. La toile tricolore est en feu. Ils supportent tous Faitsen, le kamikaze. Riti 34-02 envoie un ballon en l'air, dégagé à l'entrée de la surface par la défense du Qatar. Le ballon est repris par Faitsen, qui déclenche une frappe très lourde. La trajectoire du ballon est droite et après un énorme silence effectué par le public qatari, regardant le point d'arrivée du cuir, les Français exultent. Pendant 5 secondes, la terre s'est arrêtée de tourner. Tout le monde a regardé ce ballon se loger dans la lucarne du stade de Doha. C'est fait. La France a battu le Qatar 1-0 avec ce but de Faitson. La France ira en demi-finale et a sorti les deux acteurs de la dernière finale du Mondial. Chapitre 24. Gueule de bois. Lendemain de fête, les Bleus ont créé le plus bel exploit de ces 30 dernières années. Battre le Qatar, champion du monde en titre et invaincu depuis 4 ans devant son public, après avoir éliminé la Russie, vice-championne du monde 2048. C'est fort! Le dénouement fut sublime et unique en son genre. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils en seraient capables. La France commence peu à peu à revivre football. La fête sur les Champs-Élysées le prouve. Malgré le rachat de cette avenue par le Qatar, les Français sont sortis dans les rues, comme en 98, pour fêter leur héros. Toutes les générations se sont réunies. Certains ont même retourné leur veste. Alors qu'ils portaient le maillot qatari pour suivre la rencontre sur écran géant, des Français de naissance se sont joints aux supporters tricolores pour faire la fête. Les Bleus iront donc en Australie pour disputer le dernier carré de ce Mondial 2050. Ils sont à un match de l'exploit et la rencontre du siècle. Une finale de Coupe du Monde sur Mars. Plus généralement, la première rencontre sportive sur une autre planète que le globe bleu, dans une enceinte aménagée. La France se met à rêver. Mais attention à l'excès de confiance. Il faudra bien que la France affronte quelqu'un en demi-finale. Les 3 autres qualifiés ont respecté la logique. Le Japon a creusé son écart avec le Brésil en les battant 8-1. L'Inde a doublé la mise face aux USA, 2-0. De son côté, la Chine a renversé la vapeur en battant la Corée du Sud, 1-0 dans le Money Time. La France sera donc la seule représentante européenne, et même hors asiatique, dans ce dernier carré. Le tirage au sort est effectué selon le goal average de chacun. Avec seulement 2 buts marqués pour 1 encaissé, la France a le plus mauvais ratio des 4 demi-finalistes. Ils affronteront donc la meilleure nation lors de ce premier jour. Avec 3 buts marqués pour 1 encaissé, l'Inde est juste devant la France au classement et sera opposée à la 2e meilleure nation. Avec 6 buts marqués et 2 encaissés, la Chine est le futur adversaire de l'Inde. De l'autre côté, la France jouera face au redoutable Japon, 10 buts marqués et 1 seul encaissé. Les samouraïs sont gigantesques lors de ce début de compétition. Éliminés en demi-finale de 2048, les Japonais avaient remporté l'édition 2046, le premier de l'ère eSports Fédération, succédant à l'Inde. Puis le Japon peine à revenir et à reprendre l'avance qu'ont acquis le Qatar et la Chine. Ce mondial est une preuve que l'équipe nationale peut être à la hauteur de son championnat. Le Japon a l'une des seules nations, parmi les 4 géants, à présenter 16 joueurs japonais. Contrairement au Qatar, qui empruntait des Européens pour les former, à l'Inde et à la Chine, qui naturalise à tout va, le Japon garde son identité. La fédération japonaise a mis une règle claire et stricte. Peuvent postuler à l'équipe nationale seulement les Japonais ayant au moins 3 générations de parents de nationalité japonaise. C'est justement ce point qui les a amoindris face aux concurrents asiatiques. Aujourd'hui, les écoles de football au Japon sont de vraies usines à champions. Chapitre 25. Une Australie tricolore. Les Bleus peuvent prendre l'avion pour rejoindre l'Australie. Footballistiquement, le pays océanien s'est totalement désintéressé. L'équipe nationale est revenue dans la Confédération océanienne et est devenue la numéro 3 derrière la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française. Le championnat australien s'est amateurisé malgré quelques tentatives de rachat par des entreprises locales de clubs franchisés. La eSports Fédération mise gros sur ce pays qui est énorme et est bien loti niveau installation. Mais le football n'est plus en odeur de sainteté. son sol a un côté neutre et pourra même être le théâtre des EA Games en 2055. L'Australie est en concurrence avec les États-Unis et le Qatar. En délocalisant les demi-finales du Mondial 2050, la fédération fait un joli pari et fait des tests pour l'avenir. Ce choix fait plaisir à la France. Même s'ils n'avaient jamais imaginé atteindre ce stade de la compétition, les Français ont un énorme avantage sur ce sol. À la fin des années 2050, beaucoup de Français ont décidé de quitter la France pour tenter l'aventure en Australie. 30 années plus tard, 24% des habitants australiens sont descendants d'immigrants français. Nous aurons donc une belle colonie tricolore dans le stade de Canberra, théâtre de la demi-finale entre la France et le Japon. Les supporters japonais ont fait le déplacement, mais les Français pourront compter sur un bon soutien australien. Ça va parler français en Australie, mais il ne faut pas laisser place à ce dangereux excès de confiance à 3 jours du grand match. Surtout que l'enjeu est énorme. La France pourra participer à sa 3e finale de Coupe du Monde. La première fut victorieuse en 1998, la seconde avait été un échec au tir au but en 2006. Mais cette finale sera historique. Elle sera la première disputée en dehors de la planète Terre. La France va-t-elle jouer sur Mars? Ils auront 90 minutes pour tenter d'aller chercher ce précieux ticket.